Pâques d'Islande. 3. Moins d'une heure plus tard, tout était prêt pour l'office. Sur le pont, lavé à grande eau, ne traînait plus un seul débris de poisson. Une de nos voiles de rechange, en forte toile grise toute neuve, et qui voyait pour la première fois le jour des fjords, fut étalée sur la plateforme du roof en guise de nappe d'autel. Les garcettes à prendre des riz figuraient assez bien les franges. Nous plaçâmes dessus la Notre-Dame de Bonne Nouvelle en faïence coloriée qui ornait la cabine du capitaine, et un vieux Saint-Yves en bois, taillé à coups de couteau, tout enfumé par un séjour de plusieurs années dans la chambre de l'équipage. Un de nous, un nommé Garandel, du bourg de Trézénie, se souvint fort à propos que sa mère ne manquait jamais de glisser dans le fond de son coffre, sous les hardes, un rameau de buis béni, destiné à le préserver de tout malheur. Il l'alla quérir et le cloua, en arrière du rouf, au tronc du grand mât. C'était maigre comme verdure, ce pauvre brin de plante à demi desséché, mais, tout de même, cela vous égayait l'œil, vous faisait chaud à l'âme. Suffisait à évoquer, dans le morne paysage polaire, toute la douceur du printemps breton. Nous nous sentîmes le cœur embaumé par ce buis. « Avouez qu'elles ne sont pas si bêtes, les idées de ma brave femme de mère, » disait Garandel. Les préparatifs terminés, le capitaine enjoignit aux mousses de se tenir à l'avant, près de la cloche. « Tu sonneras quand je te ferai signe, au moment du Sanctus. » Moi, j'étais à mon poste, en face de l'autel, qui ne m'arrivait guère qu'à mi-cuisse. Le grand mât, avec sa vergue, en travers, formait dans le ciel une croix immense, où les haubans s'appuyaient ainsi que des échelles. La miséricorde oscillait doucement d'un mouvement très léger, très souple, inclinant de droite à gauche, de gauche à droite, les statues de la Vierge Paimpolaise et du Saint Trégorois. Nul bruit, sauf le petit chuchotement du clapotis sur l'étrave. Entre les cordages, on voyait s'enfler et décroître les ondulations d'une houle sans fin, d'un bleu d'acier. Les hommes se rangèrent en cercle, autour de moi. Ils avaient revêtu pour la circonstance leurs tricots les plus propres et des pantalons frais. Il se fut agi d'aller à la messe de paroisse que leur mise n'eût pas été plus décente. Seuls les gros cache-nez de couleur vive noués sur la gorge et les vestes de bure jetées sur l'épaule en guise de pardessus avertissaient du voisinage des pays arctiques. « Quand tu voudras, Jean-René, » prononça le capitaine. Je soulevai mon bonnet de fourrure aux trois quarts pelés et je commençai le signe de la croix. Enano antad agarmab aras peret santel. Ailleurs, la scène eût peut-être passé pour drôle et j'aurais probablement fait l'effet d'un singulier curé. Mais là, sur cette goélette solitaire, dans l'infini silence et le vide infini, il n'eût pas été du métier celui qui aurait eu le cœur de rire. Pour nous, en vérité, nous n'y pensions guère. J'étais très grave et, s'il faut l'avouer, un peu ému, comme du reste chaque fois qu'il m'est arrivé d'officier de la sorte. Il y a toujours eu en moi, depuis mon temps de petit séminaire, un prêtre manqué. Les autres aussi se comportaient d'une façon fort pieuse. D'aucuns avaient retrouvé dans les poches de leur harde des dimanches un chapelet oublié là de l'automne précédent, et ils l'avaient sorti. Et ce fut au milieu d'un recueillement profond que j'entamai la série des oraisons bretonnes. Les camarades qui, debout, arc-boutés sur leurs jambes, qui, adossés au bastingage, donnaient les réponses. Leurs grosses voix, rauques et traînantes, éveillaient, dans les creux sonores de l'espace, de longs bruits étranges, des échos inusités, comme si là-bas, tout au loin, un peuple d'équipages invisibles se fût mis à prier avec nous. Et cela même ne fut pas sans nous causer d'abord quelque malaise. Vous savez ce qu'on dit. Lorsqu'on prie tout haut, à Islande, les âmes des perdus, errantes dans ces parages, vous répondent. J'ai souvent ouï conter au père Lol de la Marguerite qu'une nuit que, pour se désennuyer, il avait imaginé de se réciter tout en pêchant son paternoster. Des voix s'élevèrent du fond des eaux, répétant après lui chacune de ses paroles. De surprise et aussi de frayeur, il se tut. Alors il y eut au-dessous de lui, dans la mer, comme un grand sanglot, et une voix murmura, plaintive, « Si tu étais allé jusqu'au Libera Nos à Malo, tu nous aurais tous délivrés. » À bord de la Miséricorde, ce jour-là, nous avons dû délivrer plus d'une âme défunte d'Islandais, car nous allâmes jusqu'au bout de notre oraison. Après la récitation des prières, vint la lecture de la messe. Je lisais dans un vieux paroissien, où, pour parler plus justement, un eucologe, très volumineux, à couverture de basane, avec fermoir de cuivre, dont M. Bléaz, recteur de Plouguiel, m'avait fait don l'année où je partis pour le collège. Toutes mes campagnes, il les a faites, avec moi, le cher vieux livre, et plus d'une fois, nous avons failli sombrer ensemble. Je l'ai encore, je vous le montrerai. Les dates importantes de ma vie y sont inscrites sur le feuillet de garde, avec des réflexions, à ma manière. Vous verrez que le dimanche de Pâques en question n'y est point oublié, et même que les dernières paroles de mon frère. Mais n'anticipons pas. Quand je fus au Sanctus, le capitaine fit un signe aux mousses et commanda aux hommes. « Hoaranda, Oulin, Potred !»« À genoux, les gars !» Nous restâmes dans cette posture une minute ou deux, la tête inclinée, en silence, écoutant tinter la clochette et fermant les yeux pour revoir en esprit l'église du bourg natal, l'autel paré de branchages et de fleurs, les chasubles des prêtres brodés d'or, et, dans la nef, sur les nuques penchées des femmes, les hautes coiffes de dentelle blanche, semblables à un grand vol de goélands. Je n'eus pas plus tôt achevé l'ite missa est que le capitaine me dit « Ce n'est pas tout ça, Jean-René. Il n'y a pas de grand-messe sans un peu de chant. « Oui, oui !» s'écrièrent les autres. « Il faut que tu chantes !» Dès l'âge de ma première communion, j'avais été réputé pour ma voix, et ce fut à cause d'elle que Don Bléaz, recteur de Plouguiel, m'attacha d'abord à lui comme un enfant de cœur, puis en vint à rêver pour moi les gloires du sacerdoce. Plus mûr, la poitrine élargie par les souffles immenses de la mer, vous eussiez juré que je portais en moi tout un registre d'orgue. Un jour, du temps que je naviguais à l'état sur la Melpomène, nous fûmes assaillis en vue de Bourbon par une trombe épouvantable. Ça sifflait, hurlait, beuglait, un charivari de tous les démons. J'étais dans les unes avec les gabiers en train de carguer la toile. « Hein, Carello, voilà des poumons qui dégotent les tiens !» me cria dans l'oreille mon voisin de Vergue. Je ne répondis point, mais, rassemblant toute ma voix, je lançai à gorge éperdue « Heun due epken adori !» Note. Un seul Dieu, tu adoreras. Fin de note. Il n'y a pas, que je sache, d'air plus ample et plus majestueux. Tant que dura la manœuvre, je chantais. « Superbe !» me dit le commandant quand je descendis de la mâture. Même d'en bas, ils avaient tout saisi. J'avais triomphé du sabbat des vents et de la mer. Et ce qu'il y a de plus curieux, c'est que presque aussitôt, la bourrasque, dépitée sans doute, rebroussa chemin. À Islande, il m'arrivait rarement de chanter. Je vous en ai dit la raison. Au milieu de ces grands silences polaires, on a comme peur de sa propre voix. Et puis, beaucoup prétendent que cela porte malheur, qu'on attire la mort. Ceux de m'aborder, au moment de nous affaler sur nos couettes, me suppliaient souvent « Jean-René, dis une chanson de chez nous qui nous fasse, en dormant, rêver du pays. » Je cédais quelquefois et, avant de dégringoler moi-même dans le puits des songes, je leur fredonnais la saône des filles de Lannion ou la complainte des Guémoniers. Mais chanter dehors, sur le pont, à pleine voix, je me tournai vers mon frère comme pour lui demander conseil. Il était assis sur le plat-bord, les jambes pendantes, cramponné d'une main à la drisse du grand mât. Dans le branle-bas de la matinée, je n'avais guère eu le loisir de faire attention à lui. Sa pâleur me frappa. Sous la mince couche de hâle qui recouvrait ses traits jeunes, il avait la mine verdâtre d'un noyé. Une angoisse me prit. Et sans doute la lut-il dans mes yeux, car, raidissant sa taille courbée, il se mit à rire et dit avec enjouement « Voyons, ne te fais pas prier, Jean-René, puisque pourtant c'est Pâques, tu nous dois au moins un Alléluia !» Ses joues, en parlant, s'étaient colorées. Les autres firent chorus avec lui « C'est ça, oui, un Alléluia !»« Tiens, continua Guillaume, il y a un cantique de Pâques, c'est en latin, et je ne sais plus par quel mot cela commence. Mais, si tu te rappelles, on nous racontait, quand j'étais petit, que c'était les anges qui l'avaient inventé, et que, durant tout le temps qu'on mettait à le chanter, il y avait trêve pour toutes les douleurs, en ce monde-ci et dans l'autre, même pour celles des damnés. Tu veux dire « l'ophilie et filiae » Précisément, vas-y Jean-René, lance-nous ça de la belle manière, qu'on t'entende si possible jusque là-bas, ça leur fera plaisir, comme à nous. » Il montrait les silhouettes lointaines des navires de pêche, mouillés à l'horizon. « Oui, » appuya le capitaine, « fais honneur à la miséricorde. » J'oubliais tous mes scrupules et, debout sur un rouleau de filin, j'entonnais l'hymne puissant et doux de la résurrection. Ma voix monta, extraordinairement vibrante, dans l'air quasi vierge de ces régions vouées à un silence éternel. La plupart des camarades, mon frère lui-même, s'étaient mis, dès les premières notes, à m'accompagner en sourdine. Peu à peu, je m'exaltais, je me sentais comme soulevé par des ailes dans l'espace. Une sorte d'ivresse me gagnait. C'était comme si toutes les musiques de Pâques eussent chanté en moi. J'en étais à ce passage. « Vide Thomas, vide Latus !» Vous verrez, il est marqué d'une croix dans mon livre. Tout à coup, un cri vers tribord, un cri que j'entends encore, après 19 ans. « Jean-René, ton frère qui perd son sang !» Malheur de Dieu! Je ne fis qu'un bond jusqu'à Guillaume. Il était toujours accroupi sur le bordage, mais il avait lâché la drisse, et, de chaque côté, un pêcheur le soutenait par l'aisselle. On voyait, sous son tricot, se gonfler des espèces de vagues qui s'échappaient en flots de sang par ses narines et par ses lèvres. Ses genoux, ses bottes en étaient inondés. Il y avait sur le pont une flaque rouge, comme si l'on eût éventré une 50aine de morues à cette place. J'allais le saisir à bras-le-corps pour l'emporter je ne sais où, ailleurs, dans la pensée que cela le soulagerait. Il m'écarta du geste, murmura entre deux vomissements. « Laisse, laisse, il faut que ça sorte. » Nous nous étions tous serrés en groupe, en face de lui, aussi livides que lui-même, et nous restions là, hébétés, sans une parole, à le regarder. Je cherchais des yeux le capitaine. Il était précipitamment descendu à la cabine et reparut tenant un verre à demi plein d'une liqueur foncée. « Si tu pouvais avaler ça, Guillaume, ça te remettrait le cœur. C'est du tafia, du vrai. » Mon frère étendit la main, mais il tremblait trop. « Versez-le-moi dans la bouche, » fit-il. On dut attendre que les hoquets fussent moins fréquents. Quand le breuvage eut passé, il dit, avec un soupir d'aise, « Ça va mieux. C'est comme si j'avais bu du soleil des îles. » Il s'essuya la figure du revers de sa manche pour enlever les caillots qui poissaient les boucles frisées de sa barbe et prononça, d'un ton moitié comique, moitié navré, « Il a tout de même un sale goût, le sang de l'homme. » Je lui demandai, « Tu ne veux pas te coucher ?»« Si bien, » répondit-il, « vous finirez la fête sans moi, je ne vaux pas deux sous. » « Il sera mieux dans ma cabine, » intervint le capitaine. « Il y a un cadre et un matelas qui ne servent à personne. Conduis-le, Jean-René. » Guillaume déclara qu'il n'avait pas besoin d'aide. Il était comme honteux de ce qui lui arrivait, de se sentir faible presque autant qu'une femme au milieu de tous ces gaillards robustes, forts comme des arbres, dont les physionomies marquaient, devant sa souffrance, une pitié mêlée de stupeur. Il se raidit pour traverser le groupe, mais ses jambes chancelaient sous lui, et le balancement du navire le faisait tituber, ainsi qu'un homme ivre. Quand nous fûmes seuls dans la cabine, sa première parole fut « Faut-il que je sois chiff ?» J'eus toutes les peines du monde à lui tirer ses bottes. Il avait les pieds enflés. Une fois sur le dos, il feignit de plaisanter « On n'est pas mal du tout ici, un lit de riche, mon cher, de la laine cardée. C'est si moelleux que ça vous donne sommeil. Je vais rêver que je suis capitaine. » Je pliai sa veste en quatre et la glissai sous sa tête en guise d'oreiller. Puis je le drapai dans une couverture. L'installation terminée, il me dit « Tu sais, Jean-René, j'entends qu'on ne s'occupe pas de moi davantage. Remonte là-haut et amuse-toi. Mais si les vomissements te reprennent, ne crains rien, j'appellerai. » Comme je mettais le pied sur l'échelle, il me cria « Tu me diras si l'andouille est bonne, il y en a une dans le frichti. » 4. Le capitaine avait donné des ordres aux mousses dès la veille pour que le repas fût digne de la fête qu'on célébrait. Je trouvai les camarades en train de casser le biscuit dans les assiettes d'étain, car on devait commencer par de la soupe d'oing si chère aux estomacs bretons. Tout le monde en parlait depuis le matin de cette soupe et du rata de pommes de terre au lard et de l'andouille surtout. « Une andouille superbe, mes amis, » avait annoncé le capitaine, du pays de Guingamp où on les fait si drus. C'est chose rare qu'une bombance à Islande. À l'ordinaire, on mange n'importe quoi, chacun dans son coin, le plus souvent sans s'interrompre de pêcher. Une croûte, un morceau de salaison, une gorgée d'eau qu'on va boire à la tonne, c'est tout le menu. Aussi exultions-nous par avance à l'idée du régal promis, de cette agape pascale faite en commun et que rien ne nous empêcherait de prolonger à plaisir, en propos d'hommes gais, la pipe à la bouche, en histoires de toutes sortes, en chansons. Et même, au cours de la messe, plus d'un avait dû être distrait dans ses dévotions par les odeurs venues de la cambuse, par les gros flocons de fumée noire qu'elle exhalait à plein tuyau vers le ciel. Au pays d'exil, dans ces mers tristes, il n'est point de petite joie. Mais moi, la mienne, était maintenant gâtée. L'accident arrivé à mon frère d'une manière si brusque m'avait bouleversé tout l'être. J'étais moulu comme si j'avais fait une chute du haut de la mâture. Rien ne me disait plus. J'allais cependant prendre ma place parmi les autres. Ils s'étaient rassemblés sur l'arrière où une voile, jetée en travers par-dessus le gui d'Artimon, avait été arrangée en forme de tente. Eux non plus ne se sentaient pas l'esprit très gaillard. Je vis à leurs yeux qu'ils étaient préoccupés, inquiets. « Comment va-t-il, Jean-René ? » s'informa le capitaine. « Il a meilleure mine. Il ne se plaint pas. Son seul désir est que sa maladie ne vous trouble point. Il m'a défendu de rester auprès de lui et prétend n'avoir besoin que de repos. Moi, énonça Garandel, je suis persuadé qu'il en réchappera. C'est à souhaiter pour lui et pour nous, fit Désiré Kerneur, un ancien Terre-Neuve, que nous avions surnommé le vieux flétan. Il ne s'expliqua pas davantage, mais nous l'entendîmes tous à demi-mot. Cela signifiait que si mon frère venait à trépasser au cours de la campagne, ce serait un mauvais sort jeté sur la miséricorde. Le malheur est comme les rats. Il suffit d'un seul pour qu'il en éclose bientôt une nichée. Et, quand un Islandais décède sur les lieux de pêche, c'est une tradition que toute sa bordée ne tarde pas à le suivre. J'ai vu le fait se produire. 10 hommes, fauchés en 3 jours. Il en restait un de la série, le 11e. La mort paraissait vouloir l'épargner, mais, affolé, il alla de lui-même au-devant d'elle et, pour couper court à ses angoisses, se laissa couler dans la mer. Que Dieu lui fasse paix. Le mousse avait trempé la soupe. Chacun se mit à manger, assis sous l'abri de toile, les jambes croisées à la façon des tailleurs. Et peu à peu, les visages s'éclaircirent. Le capitaine ayant fait circuler une bouteille d'eau-de-vie, les idées noires commencèrent à se dissiper. On but à la santé de Guillaume. Garandel dit « Je suis d'avis qu'on lui garde sa part du fricot. Vous verrez que le gars va se réveiller avec la faim. Ah, que non, qui ne l'a pas pêché, sa dernière morue. Croyez-moi, ne soyons en peine de rien et laissons porter, vent arrière. » C'était un gai matelot que ce Garandel. Il avait une figure rose comme une jeune fille et des yeux bleus aussi doux que ceux d'un enfant. Il passait pour être un peu court d'esprit, mais nous n'en étions que plus gentils avec lui, car la présence d'un innocent porte bonheur et ils ont, dit-on, une divination des choses refusées au commun des mortels. Sa confiance nous gagna tous. Il parlait avec une telle certitude que nous nous sentîmes rassurés. L'apparition de l'andouille dans un nuage de fumée odorante contribua encore à rendre à l'équipage sa belle humeur. Elle fut saluée d'un triple hurrah, adieu les craintes, adieu les soucis. À respirer le parfum poivré de ce mets de chez nous, toute notre allégresse nous revint. L'Islande même, Seigneur, que nous en étions loin. Voici que nous nous imaginions attablés à quelque festin de pardon sur la côte d'Armor, en avril, après carême, alors qu'aux poutres des granges, dans les fermes, pendent les cadavres sans tête des porcs fraîchement tués. Les ménagères, les filles de la maison, vont et viennent, le rebord de leurs jupes retroussé par devant, sous le tablier, les jouvenceaux, en bras de chemise, font leur office des chansons. Nous revîmes tout cela par la pensée. La grand voile, tendue sur le gui, ajoutait à l'illusion, nous rappelait la tente qu'on dresse en plein air dans le champ le plus voisin du logis, pour servir de salle de banquet. Il n'était pas jusqu'au ciel lui-même, jusqu'au pâle ciel du septentrion, qui ne se fût paré pour la circonstance d'un éclat inaccoutumé. La mer faisait un bruit léger, intermittent, comme un souffle de brise, l'été dans les feuilles. On causait avec animation maintenant. Et, naturellement, la conversation roulait sur le pays. Les gens mariés plaisantèrent les garçons sur leurs bonnes amies. On arrangea des noces pour le retour, en septembre. Cependant, on buvait ferme. L'andouille avait excité les soifs et le capitaine ne cessait de répéter « Pâques n'arrive qu'une fois l'an, il faut se réjouir comme de vrais chrétiens ». Il prêchait d'exemple et les autres ne se faisaient pas prier pour l'imiter. Le nombre fut grand des bouteilles qu'on vida de la sorte. Brune fiole de vin de France, achetées à Bordeaux en y allant chargées du sel. Une ivresse lente se répandait de proche en proche. Chez plusieurs, les yeux devenaient petits et brillants. Un saleur, qui avait été à la guerre de Chine et qui en reparlait constamment dès qu'il était gris, entreprit de nous raconter des histoires biscornues sur une jeune fille de là-bas dont le souvenir le hantait. Mais il bredouillait, la langue épaissie. On avait fait silence, soi-disant pour l'écouter, en réalité parce que nous avions épuisé d'un coup tous les sujets d'entretien. Ça ne dure jamais longtemps, une causerie d'Islandais, même un jour de fête. Chacun s'abandonnait à une songerie vague où passaient des images d'ailleurs, des choses de Bretagne, des arbres, des clochers, des toits moussus, des figures d'enfants et de femmes. Seul le saleur s'obstinait dans son récit auquel il n'y avait plus que lui à s'intéresser. La fumée des pipes ondulait comme un brouillard. J'avais bu presque autant que les camarades, mais j'avais gardé la tête libre. De temps à autre, je tendais l'oreille du côté de la cabine, guettant un appel, prêt à me lever au premier signe. Or, comme je me retournais ainsi, peut-être pour la 20e fois, voilà que j'aperçus Guillaume, à quelques pas de nous, debout, et qui nous regardait, les mains dans les poches, la jambe droite en avant, l'épaule gauche appuyée au grand mât. Il était très pâle encore, mais son visage était plus calme, plus reposé. Ses lèvres souriaient, il semblait qu'il y eût une légère moquerie dans son sourire. Sa belle barbe blonde, aux frisures fines, rayonnait sur son tricot de laine bleue dans la clarté de cette pure après-midi polaire. Il avait dû la nettoyer avec soin, car il n'y restait plus trace de sang figé. Vous pensez, si je poussais une exclamation joyeuse en le montrant du doigt à mes compagnons. « Garandel avait raison !» fit le capitaine. « Hourra pour Garandel !» Tous, ils voyaient mon frère comme moi-même, distinctement. Le vieux flétan lui cria de sa voix bourrue. « Eh bien, est-ce que tu vas demeurer planté là? Qu'est-ce que tu attends ?» Et Garandel ajouta, « Sans moi, tu sais, tu te serais brossé le ventre, mais j'ai exigé qu'on te réserve ta part. Viens donc !» Lui, cependant, ne bougeait pas, continuait à fixer sur nous ses prunelles, couleur d'eau sombre, et à sourire d'un air bizarre. « Est-ce qu'il va longtemps se ficher de nous ?» grommela le capitaine d'un ton moitié gai, moitié furieux. « Si je me dérange pour t'aller chercher, mon gaillard, je te promets !» Hervé Guyader avait le geste aussi prompt que la parole. Déjà, il marchait vers mon frère, en balançant son grand corps un peu alourdi par la boisson. Sa carrure puissante nous masquait Guillaume. Quelqu'un dit « Gageons qu'il va le prendre dans ses bras, comme un moussaillon !» Nous nous apprêtions à rendre à mon frère nargue pour nargue, mais l'envie nous en passa vite. Le capitaine n'avait pas fait 10 pas que, subitement, il s'était arrêté. Nous le vîmes se retourner d'un mouvement brusque. Il était blême. Ses mains tremblaient. C'est à peine s'il eut la force d'articuler « Il n'y a plus de Guillaume, il a disparu !» Et en effet, le pont était désert. Au pied du mât, il n'y avait personne. Nous nous regardâmes les uns les autres, épouvantés. Une sueur perla sur nos faces. Nul de nous ne prononça le mot d'intersigne, mais c'était bien la chose, à n'en pas douter. Le capitaine avait rejoint notre groupe. Il chancelait sur ses jambes. La poigne invisible de la peur serrait à la gorge ce rude homme, qui, 100 fois, d'un cœur impassible, avait bravé les pires morts. « Jean-René, murmura-t-il, à voix basse, d'un ton presque suppliant, c'est à toi d'aller voir. Ceci n'est pas naturel. Il vaut mieux que ce soit toi. Tu comprends? C'est ton frère. » Comment je parvins jusqu'à la cabine? Comment j'y descendis sans me rompre le cou? Dans quel état d'esprit j'étais à cette minute affreuse de ma vie? Je ne saurais vous le dire. Il y a là comme un trou dans ma mémoire. Je me souviens seulement que ma tête sonnait ainsi qu'une enclume où 2 forgerons battent le fer. Je fus quelque temps avant d'y voir clair, dans l'étroit logis, au sortir de la lumière du dehors. Enfin, je distinguais la forme de mon frère. Il me tournait le dos, le visage, contre la cloison du navire. Je me mis à genoux près du lit et je l'appelais doucement. « Guillaume, Guillaume !» Et tendre la main, le toucher, je ne l'osais pas, de crainte de le sentir raidi, glacé peut-être. Oh, cette angoisse, cette oppression. Je haussai la voix. « Guillaume, au nom de Dieu !» Un gémissement faible me répondit. Il vivait encore. Je vis qu'il essayait de changer de côté. Je me penchai à l'intérieur de la couchette pour lui venir en aide. Les vomissements avaient dû le reprendre car, lorsque je me reculais, mes bras étaient couverts de sang et tout le matelas en était souillé. Hélas, mon pauvre frère n'était plus que l'ombre de lui-même. La mort le travaillait en dedans. Une couple d'heures avait suffi pour vider sinistrement ce corps jeune que j'avais connu si beau, si souple et comme doré par les soleils des mers chaudes avant les funestes jours d'Islande. Des flots de larmes me gonflèrent les paupières, mais je les retenais de couler. « Qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir ?»« Lomic, lui demandai-je en lui donnant le diminutif tendre par lequel notre mère avait coutume de le désigner. Ses yeux allèrent à la bouteille de tafia que le capitaine avait laissée sur la table. Je lui en versai quelques gouttes entre les lèvres. Il poussa un soupir de soulagement et, m'attirant à lui, « Sur le pont, balbutia-t-il, je veux de l'air, j'étouffe ici. » Je ne fis qu'un saut à l'échelle et je criai par l'écoutille « Ohé, vous autres, un coup de main, s'il vous plaît !» Ils accoururent tous. J'expliquai la chose au capitaine. « C'est bien, dit-il, ne le contrarions point. Il n'y a qu'à le hisser, matelas et tout. Avec ton assistance, je m'en charge. » Il avait recouvré sa présence d'esprit. Il commandait comme à la manœuvre. « Je n'avais qu'une terreur, me confia-t-il à l'oreille. J'étais convaincu que tu allais le trouver mort. » « Il n'en vaut guère mieux, » répondis-je. Cet Hercule de Guyadère n'avait pas seulement la force, il avait aussi la dextérité. Le déménagement fut accompli en un clin d'œil, tranquillement, sans un accroc, sans une secousse. Nous transportâmes le malade sur l'arrière, à l'endroit où, peu d'instants auparavant, nous avions été troublés de façon si étrange, par une apparition de lui qui n'était que son fantôme. Le mousse achevait de ramasser les débris du repas, de balayer la cendre des pipes, de nettoyer sous les chiqueurs. Je m'accroupis sur les planches auprès de Guillaume. Les autres s'écartèrent, firent mine de s'en aller flâner le long des bordages pour me laisser seul avec lui. Il respirait plus librement et, la bouche entr'ouverte, semblait boire l'air avec avidité. C'était déjà l'heure du soir en ces pays d'extrême nord. Silence à s'éclairer, mais qui gardent aussi, jusque dans leur crépuscule, un rayonnement mystérieux. Le ciel avait revêtu des teintes violettes. La silhouette du navire agrandi se prolongeait à notre droite sur la mer. Le vent fraîchissait et des formes de nuages commençaient à se mouvoir sur les lointains assombris. Je tenais une des mains de mon frère. Elle était chaude et moite. Il regardait au-dessus de lui, fixement, comme si là-haut, dans les profondeurs désertes du firmament, il se fût passé quelque chose de visible pour lui seul. Soudain, ses yeux brillèrent, il murmura « Jean-René, des oiseaux !» Un vol de points noirs arrivait sur nous, en effet, venant du couchant, de la partie la plus éclairée du ciel. Des mergues, sans doute, ou encore des bruants des neiges. Ils jetaient de petits cris monotones, pareils à des vagissements de nouveau-nés. Quelques-uns les plus las se posèrent un instant sur l'étai de misaine, puis reprirent leur chemin vers le pôle, du côté d'où montait la nuit. Leur vue parut avoir ranimé Guillaume. Il se parlait à lui-même maintenant, se racontait, je ne sais quoi, une de ces histoires inintelligibles pour les vivants, où s'absorbent les moribonds aux approches du moment suprême. Brusquement, il interrompit ce colloque intérieur et, me dévisageant avec une expression de tendresse qui ne lui était point coutumière, il articula de sa voix naturelle, presque sans effort, « Tu n'as pas trop de chagrin, n'est-ce pas, Jean-René ? J'ai du chagrin de penser que tu souffres. C'est ce qui te trompe, je ne souffre plus. Le mauvais quart d'heure est franchi, désormais, tout ira bien. Je crus que, réellement, il se sentait mieux. » Que l'espoir de guérir lui revenait avec la vie. Il me pria de lui laver la figure. Je criai au mousse de m'apporter une écuellée d'eau tiède. Quand ce fut fait, quand j'eus lissé les poils soyeux de sa barbe, il reprit « Eh, le capitaine, j'ai deux mots à lui dire. » Hervé Guyadère accourut, s'agenouilla et, d'un geste machinal, se découvrit comme au chevet d'un agonisant. Grande fut sa surprise de voir avec quelle aisance calme, un peu lente, mon frère s'exprimait. « J'ai une grâce à vous demander, capitaine. À quelle distance sommes-nous de la terre ? À 5 000 environ ?» Je songeais, il a sans doute l'intention de se faire débarquer, d'entrer en traitement à l'hospice de l'île. Et ce fut aussi, je suppose, l'idée du capitaine, car il s'empressa d'ajouter « Nous t'y transporterons, si tu le désires. Mais ne crains-tu pas que la traversée dans l'état de faiblesse où tu es ?» Guillaume sourit doucement. « Rassurez-vous, capitaine, dit-il. L'heure est proche où je ne sentirai plus rien, ni tangage, ni roulis. Seulement, voilà, il me serait désagréable de m'en aller, où vous savez, par le chemin des morues. Et puis, c'est à cause de ma mère. Ce lui sera une consolation dans son deuil de penser que son fils Lomic a, dans un coin d'Islande, son lit de 4 planches et sa tombe. Jean-René lui dira où l'on m'aura mis. Elle saura où me situer quand elle récitera les De Profundis du soir. Prions pour l'âme de Guillaume qui est à Reykjavik. Capitaine, promettez-moi que je ne serai pas jeté à la mer, cousu dans le sac des abandonnés. » Il avait débité tout cela d'une haleine. Hervé Guyader et moi, nous demeurions comme pétrifiés. « Me promettez-vous, capitaine » répéta-t-il. Le capitaine lui serra la main entre les siennes et balbutia « Quoi qu'il advienne, oui, par mon plus grand serment, il sera fait selon ton vœu. » Et, pour ne pas laisser à son émotion le temps de crever, il se leva précipitamment, s'enfuit. Moi, je n'avais pas été capable de maîtriser mes sanglots. Une marée de navrement me gonflait le cœur. Il fallait que ça débordât. Guillaume, lui, s'était tourné vers l'île, vers la mystérieuse Islande, qui semblait là-bas, du côté de l'est, avec ses glaciers, encore blancs dans l'ombre, un immense navire sous voile, le navire fantôme, le purgatoire triste des marins disparus. « Lomic, lui dis-je à travers mes larmes, en me penchant sur lui. « Ça n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu ne vas pas t'en aller ainsi. » Il resta un moment sans répondre. Sa respiration faisait dans sa gorge le bruit du vent dans les cordages. Enfin, il put parler. « Tu es une espèce de prêtre. Entends mes péchés pour que le recteur de chez nous les apprenne de ta bouche et qu'il m'absolve. » Il ferma les yeux et, les mains jointes, se mit à se confesser. Je l'aidai à faire son acte de contrition. Il répétait après moi les mots du catéchisme avec un air de soumission craintive, d'une voix un peu hésitante, comme un enfant. Quand ce fut fini, il soupira. Il était temps, les jambes sont glacées. Je lui proposai de descendre chercher une autre couverture. Il ne voulut pas. De grands frissons le parcouraient, muette haleine de la mort. Il prononça très bas, comme en rêve, le soir de Pâques. « N'oublie pas, Jean-René !» Il s'arrêta, épuisé. Ce furent ses dernières paroles. Dans ses yeux dilatés, ses pupilles nageaient comme fondues. Tout à coup, il se dressa sur son séant et tendit les bras comme pour saisir quelque chose. Puis retomba en arrière en poussant un cri sauvage, un cri de bête blessée qui retentit d'un bout du pont à l'autre et s'alla perdre, au loin, dans le silence épouvanté de la nuit. C'était sa jeunesse, il faut croire. C'était ses 25 ans qui s'indignaient de mourir. Deux de ses habituels voisins de pêche m'aidèrent dans sa toilette funèbre. Quand nous l'eûmes mis à nu, son corps nous apparut tatoué de dessins bizarres. Parmi des entrelacs de fleurs des pays chauds, des noms se lisaient, écrits avec des encres diverses, et restaient si frais qu'on eût dit que le pointillé datait de la veille. Des noms de femmes étrangères, aimées au hasard des rencontres, durant ces nuits dont il m'entretenait le matin même, les nuits de l'autre côté du monde, les nuits légères, douces comme de la soie. Et voici que cette poitrine de jeune homme, où tant de souvenirs étaient gravés, évoquant des terres si lumineuses, on la coucherait tout à l'heure au pays des glaces, dans la sombre Islande, si loin du vrai soleil, si loin des hamacs de la sieste sous les caroubiers. Le capitaine, qui était descendu consigner le décès sur le livre de bord, remonta portant un paquet de chandelles. Nous traînâmes le matelas au fond de l'espèce de tente improvisée à l'abri de laquelle nous avions dîné quelques heures auparavant, et, après l'avoir recouvert d'un balin, note, sorte de limousine grossière, fin de note, de laine blanche, pour dérober les taches de sang qui s'y étalaient, humides encore, nous y couchâmes le cadavre, revêtu de ses habits de pêche, et enveloppé dans son ciré des gros temps. Nous n'avions pas de crucifix à lui mettre dans les mains. « Si nous y mettions mon bouquet de buis, » proposa Garandel. Nous n'avions pas de chandelier, on prit des pommes de terre, on y creusa un trou, et l'on y plaça les chandelles, dont la longue flamme jaune, protégée du vent par la voilure, promena comme un reflet de vie sur les traits souriants et reposés du mort. Car il souriait, oui, et de ce sourire un peu ironique, déconcertant, que nous avions vu tantôt à son intersigne, au pied du grand mât. Désiré Kerneur ne put se retenir d'en faire l'observation, et, comme tantôt aussi, sa barbe, sa jolie barbe de blondin frisé, brillait d'un éclat doré sous la lumière. Avec sa mine dédaigneuse, il avait un air de nous dire « En vérité, vous êtes des sots de me plaindre. J'en ai fini avec votre métier de chien, avec vos misères farouches, avec vos exils forcés où les joies mêmes sont tristes. Je n'ai plus souci ni des fantaisies de la morue, ni de celle de la mer. Je suis au port. Pour rien au monde, je n'échangerai mon destin contre le vôtre. » Derrière lui, un peu au-dessus de sa tête pâle, dans l'ombre, la roue du gouvernail, abandonnée à elle-même, oscillait faiblement, à droite et à gauche, au gré des ondulations paisibles de la houle. Un de l'équipage jeta dans le silence, sur 22 que nous étions hier, celui-ci est fixé, savoir quel genre de trépas nous est réservé à nous autres. Le capitaine répondit, la volonté de Dieu est grande. Puis, m'interpellant, ta besogne de sacriste aura été dure aujourd'hui, Jean-René. Il convient cependant que ce soit toi qui dises les prières des morts. Nous y assisterons tous. Après, tu pourras descendre, dormir. Les hommes s'arrangeront entre eux pour faire le quart auprès du cadavre, trois par trois, jusqu'au moment d'appareiller. « Oh, capitaine, répliquai-je, il me serait impossible de fermer l'œil. Je passerai la nuit sur le pont. Quelle fut longue et triste cette nuit. De temps à autre, je m'assoupissais malgré moi, vaincu par l'abattement, par la fatigue, et je faisais alors des rêves étranges. Je voyais des chemins ombragés d'arbres inconnus. Au milieu de la chaussée, mon frère était étendu, les coudes repliés sous la nuque. Des femmes le bonjournaient, au passage, dans une langue qui n'était ni du latin, ni du français, ni du breton, mais que je comprenais néanmoins. L'une après l'autre, elle lui disait la même phrase qui signifiait « Eh bien, beau fainéant, tu n'entends donc pas la messe de Pâques qui sonne ?» Lui se contentait de sourire et elle s'en allait. À leurs oreilles, des diamants étincelaient comme des étoiles. Et voilà qu'il n'y avait plus de chemin, ni d'arbres, mais une plaine de neige, d'une désolation infinie, plantée seulement de croix noires, toutes semblables, et sur lesquelles aucun nom n'était inscrit. J'errais, en compagnie de ma mère, parmi ces croix. Devant chacune, elle me demandait « Est-ce celle de Lomic, Jean-René ?» Et moi, je ne me souvenais plus. Je cherchais, fou d'angoisse, et je ne trouvais pas. Trois, quatre fois de suite, j'eus le même cauchemar. Les camarades, m'entendant geindre, me réveillaient. « Ne t'endors pas, le froid te prendrait. » Ils me tendaient la gourde d'eau-de-vie que le capitaine avait mise à notre disposition. J'y trempais les lèvres et nous nous remettions à réciter à mi-voix des De Profundis. Les équipes se succédaient de 2 heures en 2 heures pour le quart funèbre. Et rien n'était plus lugubre que ces allées et ces venues avec le bruit des sabots cloutés aux tiges de cuir résonnant sur le pont, tandis qu'autour de nous, dans l'espace infini, flottaient les grands silences arctiques, encore plus mystérieux que de coutume et plus terrifiants. Enfin, une blancheur se montra vers l'est. Bientôt, on put distinguer le gris du ciel du gris des eaux. Quelle différence entre l'aube merveilleuse qu'il m'avait été donné de contempler la veille et ce matin blême, ce matin de deuil, où le soleil, blafard et vitreux, semblait l'œil convulsé d'un mort. Debout, au gouvernail, le capitaine criait déjà ses ordres pour l'appareillage. Les poulies grincèrent, les voiles claquèrent en se déployant, et la miséricorde, que ses ancres de fond ne retenaient plus, après avoir, comme nous disions, flairé la mer, courut droit devant elle, l'étrave haute,